إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans le cours 130 dans l'explication du kitab al-tawhid avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan et on commence aujourd'hui le chapitre 53 dans le livre et le titre de ce chapitre c'est Babun Qawl Allahumma Firli In Shi'ta, c'est-à-dire le chapitre de ce qui a été dit au sujet de la personne qui quand elle fait un dua, elle dit comme par exemple « Oh Allah, hein, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. » Qu'est-ce qu'on dit à propos de la personne quand elle fait un dua, elle dit « si tu veux » à Allah, quand elle fait le dua. Donc on va voir qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit « وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الله ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? C'est un hadith rapporté par, selon Abu Huraira dans le Sahih. Et ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quelqu'un ne dise pas quand il fait un dua, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Au contraire, qu'il soit ferme dans sa demande et qu'il sache que personne ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala, ou ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc quand tu dis, oh Allah, donne-moi quelque chose, ou pardonne-moi, c'est pas comme si tu es en train d'ordonner, ou de donner un ordre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une demande. Mais tu le dis de cette façon-là pour montrer que tu le veux vraiment cette chose-là, hein? Que c'est un grand intérêt pour toi. D'accord? Et dans notre narration de ce hadith-là, rapporté par Muslim, ça dit « Et que tu fasses ta demande avec un désir grand, une intention, un amour, et que tu ne crois pas que quelque chose soit trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme imagine-toi pas que la chose que tu demandes, c'est trop grand que Allah ne peut pas te le donner, parce que c'est trop grand. C'est parce qu'il n'y a rien qui est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, c'est ça ce que le hadith explique. Et donc, le cheikh, il explique donc ces deux hadiths-là. Il dit, « هذا الباب من جنس الباب الذي قبله لأن الذي يدعو الله تعالى يجب أن يعظم الدعاء ولا يعلقه بشيء ولا يعلقه بالمشيئة لأنه إذا علقه بالمشيئة تضمن ذلك أمرين. الأمر الأول أن هذا يدل على فطوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى كأنه غني عن الله يقول إن حصل شيء وإلا ما هو بلازم فكأنه فاتر في طلبه وكأنه غني عن الله سبحانه وتعالى ولا شك أن العبد مفتقر إلى الله جل وعلا في كل أحواله لأنه فقير إلى الله ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب والإمكانيات فإن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة ولا ينظر إليها ولا يعتمد إليها فهو فقير إلى الله مهما كان ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا وملكا فهو فقير إلى الله في أن يبقى عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها وأن ينفعه بها وإلا فهي عرضة للزوال في أسرع وقت هذا معنى. Donc le cheikh dit que le but de d'avoir écrit ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est dans la même catégorie que le chapitre qui a précédé celui-là. Pourquoi? Parce que quand on est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir vraiment une fermeté dans notre dua et une sorte de conviction que Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. Hein, et qu'on veut vraiment cette chose-là. Et donc, on n'a pas besoin de relier notre demande à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on dit que lorsqu'on fait un dua et qu'on le relie à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique deux choses. Ça implique deux choses qui sont incorrectes. Et on va expliquer qu'est-ce que sont ces deux choses-là. La première chose, ça indique que la personne qui fait son dua, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose comme si elle n'en a pas vraiment besoin. Hein? Parce que tu es en train de dire, oh Allah, donne-moi ça si tu veux. Puis si tu veux pas, donne-moi le pas. C'est comme si tu n'avais pas vraiment envie ou besoin de cette chose-là. Et donc, c'est comme si en réalité tu montres que tu n'as pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il doit, justement, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, montrer qu'il est indigent, qu'il est pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a besoin d'Allah dans tous les moments de sa vie. Et qu'il est pauvre d'Allah, ou pauvre par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a besoin de ce que Allah a à lui donner. Et il ne doit pas prendre en considération, par exemple, les moyens qu'il possède. Hein, quand il a quelque chose, comme s'il dit, ah, mais, yani, j'ai pas besoin de demander à Allah, j'ai de l'argent. Ou j'ai pas besoin de si, j'ai déjà qu'est-ce qu'il me faut. Ou j'ai pas besoin d'Allah, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Et de penser comme ça, c'est très très mauvais, en réalité. Et c'est très grave. Pourquoi? Parce que toutes les choses que tu as, et tous les moyens que tu possèdes, et toutes les capacités que tu as, peuvent partir et peuvent t'échapper dans un instant. Hein? Dans une fraction de seconde, Allah peut t'enlever tout ce que tu possèdes. Donc, il ne faut pas mettre notre intention et notre volonté sur ce genre de choses-là. Il faut plutôt mettre notre intérêt et notre intention dans notre dua et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de lui et que les moyens qu'on possède, c'est Allah qui les dirige, c'est Allah qui nous les donne, et c'est Allah qui les contrôle, et s'il veut, il peut nous les enlever n'importe quand. Donc, mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement, et non pas de qu'est-ce qu'on possède en notre main. Donc, ça c'est la première raison. Pourquoi c'est mauvais de dire quand on fait un dua, Inch'Allah, on doit pas dire ça. La deuxième explication, le cheikh il dit, والأمر الثاني كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره فإن شئ معناه إن لست ملزما به أنا لست ملزما لك أخشى أن يشق عليك ولكن إن شئت اغفر لي وارحمني وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى لأنه تنقص له والله جل وعلا لا مكره له وهذا المعنى عليه قوله فإن الله لا مكره له. Ça veut dire que la deuxième explication pourquoi on ne doit pas dire Inch'Allah quand on fait un dua, c'est que quand on dit Inch'Allah, oh Allah donne-moi la miséricorde si tu veux, c'est comme si la personne qui est en train de faire son dua, elle a l'impression que elle fait son doua, mais c'est comme si elle a l'impression qu'elle est en train d'imposer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ou de contraindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou de le forcer à lui répondre. Donc c'est comme s'il était en train de dire, je ne veux pas t'imposer, oh Allah, quelque chose qui est trop difficile pour toi. Et bien entendu, ça c'est pas correct de parler de cette façon-là à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il y a rien qui est trop dur pour Allah, ou trop compliqué pour Allah, ou trop imposant pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a pas besoin de ressentir ce sentiment-là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à tes créatures. Quand tu demandes à une créature, des fois t'as honte ou t'es gêné, parce que tu dis, cette personne, elle a besoin elle aussi, puis moi je lui demande. Donc c'est quelque chose, tu ressens un peu de gêne. Tandis que le Créateur, lui, il n'a pas de besoin, ça t'a pas besoin de te sentir comme si tu es en train de lui forcer à faire quelque chose qui est trop dur pour lui, ou qui est quelque chose qui va le mettre dans des difficultés. Pas du tout. Et cette signification-là est exprimée dans le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa inna Allah la mukriha la » Allah, personne ne peut le forcer de toute façon. Même si tu lui disais « Oh Allah, donne-moi cette chose-là » et que tu dis « si tu veux », tu ne peux pas forcer Allah de toute façon. Donc pourquoi tu dis « si tu veux » hein? Tu vois ce que tu peux forcer à Allah, ou tu peux imposer à Allah, ou contraindre Allah? Non, ce n'est pas possible. Donc ça c'est la deuxième explication pourquoi on ne doit pas dire « in shit » ou « si tu veux ». Et le chef il explique l'autre narration dans… ou bien il explique ce hadith-là plus en détail. Il dit « وَفِي الصَّحِيحِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ » C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأمرين. الأمر الأول أن هذا يدل على فتور من السائل، والمطلوب من السائل العزم وليعزم المسألة أو وليعزم المسألة، نعم وليعزم المسألة. والأمر الثاني أن هذا يشعر أن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كاره من باب المجاملة، والله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه، لا أحد يكرهه أو يؤثر عليه أو أنه يجامل أحدا أو يخاف من أحد. Donc le cheikh il résume que ce hadith là est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que personne ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Mais tu dois être ferme dans ta demande et tu dois savoir que personne ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala de faire quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc expliqué cette interdiction-là par deux choses. Premièrement, que la personne qui dit « pardonne-moi si tu veux », c'est comme s'il n'était pas vraiment intéressé à voir qu'est-ce qu'il demande. Hein? Et il n'est pas convaincu et ferme dans sa demande. Et la deuxième chose, c'est que c'est comme s'il demande, mais ça donne l'impression que il a peur d'imposer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah lui donne quelque chose alors que Allah ne veut pas vraiment lui donner. Comme si Allah le ferait sans vraiment vouloir, mais qu'il le faisait uniquement pour faire plaisir, ou bien pour dans le sens que bil mujamala. Quand tu dis mujamala, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu fais quelque chose pour bien paraître, seulement. Hein? Ou bien, qu'on pourrait t'imposer quelque chose, ou que Allah pourrait faire quelque chose qu'il ne veut pas vraiment, qu'il n'a pas décidé lui-même. Donc, le cheikh, il dit non. Ça, c'est complètement faux. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à Allah. Allah fait uniquement ce qu'il veut et ce qu'il décide lui-même. Et personne ne peut forcer ou imposer quoi que ce soit à Allah, ou influencer Allah subhanahu wa ta'ala, ou le forcer à agir d'une manière pour faire paraître bien ou quoi que ce soit de ce genre, ou Allah ou de penser que Allah aurait peur de quelqu'un, donc il est forcé de faire quelque chose, ça c'est des choses totalement fausses. Et on ne doit pas du tout avoir cette impression-là ou cette idée-là quand on fait une dua. Deuxièmement, le cheikh il explique la deuxième narration qui est rapportée à ce sujet-là. وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة فإن الله وليعظم الرغبة مثل وليعظم المسألة وليعظم المسألة يعني يلح على الله في الدعاء. C'est-à-dire que quand tu fais ton dua, tu dois faire ton dua avec sincérité, avec tout ton cœur, avec toute ton intention, pour vraiment arriver à pour vraiment arriver à demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux avec sincérité dans ton cœur et avec toute ton intention même. Il y a un autre hadith qui parle de ça justement, qui dit « Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil » Je pense que c'est rapporté par Muslim également, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est juste pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le dua d'une personne qui invoque avec un cœur indifférent ou insouciant. Hein? Donc tu dois, quand tu fais ton dua, tu dois avoir la présence de cœur et la sincérité dans ta demande. Et également, il y a une autre dua que le professeur nous enseigne qui dit Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min بطن لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب له. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation-là. Il disait, oh Allah, on cherche le refuge en toi contre un cœur qui ne craint pas, qui ne devient pas humble devant toi, ou un œil qui ne pleure pas, la tadma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des larmes qui coulent. ومن دعاء ومن بطن لا يشبع et d'un ventre qui n'est jamais rassasié. Des fois on a ça nous, Allah al-musta'an. ومن دعاء لا يستجاب له et d'un dua, d'une invocation qui n'est jamais exaucée. Donc on demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces choses-là. Et donc ça veut dire yani ça indique donc que il faut vraiment, quand tu fais une invocation, avoir l'espoir et la conviction que Allah va te répondre. Hein? Tu fais pas un dua juste comme ça pour faire le dua. Non, tu fais un dua parce que tu attends une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu la veux vraiment. Hein? Et donc tu es concentré et tu es certain de ton invocation quand tu la fais. Et il a juste le besoin d'avoir une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que il répond à la personne qu'il invoque et qu'il lui veut du bien. Hein? Ça fait partie de tout ça, des bonnes choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tah yu'ti subhanahu wa ta'ala ma yasha ma la ya'lamuhu illa hu bila hasr wala hisab wala tanfadu khaza'inuhu subhanahu bikhilaf al-makhluq fa innahu qad yu'ti al-'ata walakin hadhihi al-'atiyah تكون ثقيلة عليه وتجحف بماله وقد يكون معسرا ليس عنده شيء. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يتعظمه شيء أعطاه ولذلك يعطي الجنة التي هي غاية المطالب ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى ويعطي بلا حساب ولا تنفذ خزائنه كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني فأعطيت كل واحد ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ذلك بأني جواد واحد ماجد ذلك بأني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعقابي كلام أفعل ما أشاء وهذا شأنه سبحانه وتعالى. Donc le chef il dit qu'il n'y a rien qui est trop grand pour Allah, comme c'est mentionné dans le hadith, hein, il le donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne rien de trop grand pour lui, il le donne. Hein? Tout ce qu'il veut, il le donne. Et le cheikh, il explique ça. Il dit, Allah, il donne comme il veut. C'est-à-dire, Allah, il donne tellement qu'il y a des choses que c'est seulement lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait qu'est-ce qu'il donne. Hein? Il y a des choses que Allah donne, personne n'en est ne le sait, n'est au courant. Et il n'y a pas de limite à qu'est-ce que Allah donne, et il n'y a pas de compte non plus. Il ne calcule pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne calcule pas ce qu'il donne. Hein? Il donne sans compter. Et les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont jamais, comment on dit, la tanfad. Ça finit jamais, ces trésors sont infinis. Et contrairement à la créature, par exemple, quelqu'un parmi les créatures peut te donner quelque chose, mais c'est toujours possible que la chose qu'il te donne, ça devient lourd pour toi, hein, ça devient lourd pour lui, et ça prend beaucoup de sa richesse, et il commence sa richesse commence à diminuer et diminuer, et donc ça devient difficile pour lui de te donner quelque chose. فيكون معسرا ليس عنده شيء. Des fois il donne peut-être jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien par la suite. Hein? Ça c'est, il ne reste plus rien pour lui-même. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, lui non. Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Et il n'y a rien qui est trop difficile ou trop grand pour lui pour donner. Il donne le paradis à ses créatures. Et dans le paradis, il y a. C'est le but de tout ce qu'on peut demander à Allah, c'est la limite de tout ce qu'on peut demander à Allah, c'est le paradis, et il donne également la dunya et l'au-delà également, et il donne sans calculer et sans compter, hein. Et donc comme c'est mentionné dans le hadith, ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, l'humain et le djinn d'entre vous, si vous étiez tous debout sur un champ ou dans un terrain, et que chacun d'entre vous me demandait tout ce qu'il veut, et que je donne à chacun d'entre eux tout ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait rien fait diminuer de mon royaume. Et il donne l'exemple que même si tu prends par exemple une aiguille, même si quelqu'un, si Allah avait donné à tous les êtres humains et les djinns tout ce qu'ils ont demandé, c'est comparable, qu'est-ce que ça enlève, en fait, c'est comparable à, lorsque tu prends une aiguille, tu le trempes dans l'océan, puis tu le ressors. Qu'est-ce qui sort de l'aiguille? Qu'est-ce qui sort avec l'aiguille? C'est, oui, mais est-ce que c'est beaucoup d'eau qui sort? Une petite goutte de rien. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi? Il dit que si vous, tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'à le dernier être humain, et tous les djinns, ils se réunissent tous ensemble et demandent tout ce qu'ils veulent à Allah, hein, tout ça ce qu'ils ont demandé, si Allah leur donne, c'est salam alaykum, hein, en fait c'est toi qui dois le dire parce que tu rentres, alaykum salam, hein, et que Allah leur donne tout ce qu'ils demandent, du premier au dernier, c'est comparable à cette goutte d'eau qui sort avec l'aiguille de l'océan, par rapport à l'océan, c'est rien. Et c'est rien encore, c'est même pas comparable à cette goutte d'eau-là qui sort avec l'aiguille. Donc c'est pour faire comprendre que Allah, sa richesse, elle est infinie, hein, et qu'il est généreux, et qu'il donne, et qu'il dans le hadith qui est rapporté ici, ça dit, il donne, son don est une parole, et son châtiment est une parole. Ça dit, il suffit d'une parole d'Allah pour qu'il donne ou qu'il châtie quelqu'un, et il fait ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit donc que dans ce hadith là, il y a quelques points à se souvenir ou à prendre note. Al-mas'alatul oula, an-nahyu an yuqal Allahumma ighfir li in shi't, Allahumma arhamni in shi't, wa an-nahyu lit-tahrim. Le premier point, il y a dans ce hadith-là l'interdiction de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. Et l'interdiction, c'est pour dire que c'est haram. Nahyu littahrim. Donc, il faut comprendre que c'est haram. Donc, quand tu fais un dua, tu veux demander à Allah le pardon, tu dis Allahumma ghfirli. Ou Allah, pardonne-moi. Ou bien tu dis Allahumma arhamni. Ou Allah, donne-moi la miséricorde. Mais tu n'as pas besoin de dire si tu veux. Ou Allah. Hein? Tu n'as pas besoin de dire à Allah si tu veux, pardonne-moi. Parce que Allah, comme on a expliqué, comme on va l'expliquer, en fait, le cheikh il le résume dans le chapitre. المسألة الثانية بيان علة النهي وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول إن شئت ولا يتعظمه شيء أعطاه ولو كان كثيرا فإن هذا بالنسبة لله كلا شيء خزائنه ملأ لا تغيض مع كثرة الإنفاق كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده سبحانه وتعالى ومع هذا لا تغيظ خزائنه سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن الله سبحانه وتعالى دونك للشيخ الزي. Qu'est-ce que ça signifie ce deuxième point-là que le cheikh mentionne ici? Il dit que, comme deuxième point, on a tiré de ce chapitre l'explication de la cause. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quand on fait un doua de dire « si tu veux ». Pourquoi? Parce que personne ne peut forcer Allah à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ça c'est de un. Deuxièmement, il n'y a rien qui est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes quelque chose, même si c'est quelque chose de grand ou de beaucoup, de grande quantité, c'est jamais trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il donne un exemple, il dit les trésors d'Allah ne peuvent jamais terminer, même s'il donne beaucoup. Donc tout ce qui est dans la dunya, tout ce qui est dans l'au-delà, hein, ça fait partie de sa générosité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne diminue rien de ses trésors. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hein? Les trésors des cieux et de la terre appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, tout ce qui est dans la dunya, tout ce qui est dans l'au-delà, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, hein? De toutes les bonnes choses qui existent, tout ça, ça fait partie, c'est juste une partie parmi les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de s'en rappeler. Ensuite, le cheikh dit comme troisième point, المسألة الثالثة في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى وأن خزائنه لا تفيض لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين وأرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغض لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit que comme troisième point, ça montre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est riche, à quel point il est riche, hein, et que ses trésors ne diminuent jamais, malgré qu'il dépense et il dépense et il dépense et il donne et il donne et il donne, hein, à toute personne qui lui demande. Et le cheikh dit, avez-vous vu comment Allah a donné? Et comment Allah a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Et malgré ça, ça ne diminue rien de ce qui est dans sa main droite. Donc, comme c'est mentionné dans le hadith à ce sujet-là. Donc ça, c'est pour comprendre ce point important-là. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il a rajouté quelques petits points intéressants à ce sujet-là. Il a expliqué... dans le point numéro 3, dans le point, c'est le point 76, non, 76, pardon, il dit que, un billah, subhanahu wa ta'ala. Wa dua, bi'an yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahim. Wa الثالث, dua bima la yumkinu shar'an, mislu Allahumma ja'alni nabiyya. Donc, il y a trois choses qui peuvent empêcher qu'un dua soit exaucé, qu'une invocation soit exaucée. La première, c'est d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si de penser que Allah va pas t'exaucer, va pas répondre à ton invocation. Donc ça, c'est une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si tu penses, oui, ça rentre là-dedans vraiment. Parce que c'est comme si tu pensais que Allah va pas t'exaucer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Mohamed? Masha'Allah. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi Allah, il répond, il risque de, ça peut être un empêchement de ton dua d'être exaucé. Le deuxième point, c'est lorsque tu fais un dua qui fait partie de At-Ta'addi, hein, qui, la transgression dans le dua. Tu fais un dua qui implique une transgression. Comme par exemple, tu demandes, yani, quelque chose qui est péché. Tu demandes à Allah quelque chose qui est haram. Ça, c'est un exemple de ta'addi fi du'a. Ou bien tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de couper les liens de parenté, par exemple, ou des choses comme ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle at-ta'addi fi du'a. Et ça c'est des choses qui peuvent faire en sorte que ça t'empêche d'être exaucé dans ton invocation. Et le troisième, c'est que tu demandes quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam, ou qui, non, pas qui n'est pas permis dans l'islam, qui n'est pas possible, hein, selon la charia. Comme par exemple, en fait, tu demandes quelque chose d'impossible. Comme quelqu'un qui dirait, oh Allah, fais que je sois un prophète. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Et il n'y en a pas d'autre après lui. Donc, tu ne peux pas demander à Allah de te faire un prophète. Et le cheikh dit إشكال سبق أن الاستثناء في الدعاء منهي عنه ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احيني ما علمت أن الحياة خيرا لي وفي الدعاء احيني ما علمت الحياة خيرا لي وفي الدعاء الاستخارة إن كان هذا الأمر خيرا لي وفي الدعاء أو وفي دعاء للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. Donc, il y a quelques personnes qui ont mentionné, par exemple, certains exemples de dua, et puis ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce hadith-là et le hadith qui nous dit de ne pas demander à Allah en disant in shit ou in sha Allah. Donc, il donne des exemples. Il dit, par exemple, il y a un premier hadith, c'est un dua que tu fais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne souhaitez pas la mort. Mais si vous n'avez pas le choix de le faire, faites le dua suivant. Oh Allah, fais-moi vivre si tu sais que la vie est meilleure pour moi. D'accord? Donc, ici on voit que il y a une condition qui est mise dans le dua, comme si, hein, fais-moi vivre si tu sais que. Hein? Mais et puis l'autre exemple, c'est dans al-istikhara, quand tu fais le dua de la du conseil, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis oh Allah, si cette chose là est meilleure pour moi, si tu sais que cette chose, ou si cette chose est meilleure pour moi, hein, alors facilite-moi là, et ainsi de suite. Ça, c'est dans l'istikhara. Et dans aussi le dua ou l'invocation qu'on fait pour une personne malade, on dit tahurun insha'Allah, hein, la base tahour, inshallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit pour celui qui était malade. Et le cheikh il répond à ça. Il dit أما الأول والثاني فليس فيه تعليق بالمشيئة وإنما هو تعليق على علم الله وأن في هذا الخير أن في هذا خيرا للداعي فإذا علم أنه خير فطلبه من الداعي. فطلبه من الداعي مجزوم به غير معلق. أما الثالث فالجملة خبرية ورجاء ليست دعاء. فالجملة خبرية رجاء وليست دعاء. نعم. Donc le cheikh explique que premièrement dans les deux du'as, comme le premier quand on dit à Allah oh Allah fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi, et dans l'istikhara, les deux, on n'a pas accroché ou on n'a pas relié le du'as à la volonté d'Allah, on l'a uniquement relié à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que si Allah sait que cette chose-là est meilleure pour nous, dans ce cas-là, on le demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est quelque chose qui est donné, qui est dit avec certitude, et qui n'est pas accroché ou relié à la volonté. Donc ça n'a pas le même sens et la même implication que si tu dis « pardonne-moi si tu veux ». Et il dit aussi « amma al-thalith » et quand tu dis « la base tahour incha'Allah » c'est pas un dua, c'est comme si tu, c'est une phrase que tu dis à quelqu'un qui est seulement une info, c'est comme si tu souhaites, c'est comme si tu souhaitais pour cette personne-là que ce soit une purification pour elle, d'accord, mais c'est pas une invocation. La base tahour inshallah, c'est-à-dire la base, ça veut dire il y a pas de mal, c'est une purification si Dieu veut, tu comprends. Donc en réalité c'est comme si tu disais que ce soit une purification, on souhaite que ce soit une purification pour toi, mais c'est pas une invocation que tu fais ou un doua que tu fais en fait quand tu dis ça, d'accord. C'est ça ce que le chef explique. Non, oui, c'est ça, par cette maladie-là qu'il a, ou ce malaise qu'il a, Allah peut lui effacer ses péchés et le purifier. Donc, c'est comme si tu disais que ce soit une purification ou un effacement de tes péchés. Et le cheikh dit « wa kariha ahlul ilm an yuqal li shakhs atala Allahu baqa'ak fala ya'lamu hal huwa khayrun lahu am sharrun lahu dhalika » وإنما يقال أطال الله عمرك في طاعته أو ما شابه ذلك. Donc il y en a des gens qui disent أطال الله عمرك ou bien أطال الله بقاءك, c'est-à-dire que Allah prolonge ta vie ou que Allah prolonge ta durée, hein. Et le cheikh il dit que il y a des ulama qui aiment pas qu'on dise ce genre de dua là. Ils disent que plutôt, pourquoi? Parce que tu sais pas, est-ce que le fait de prolonger la vie de cette personne-là sera quelque chose de bon pour lui. Donc, quand tu fais cette invocation-là, tu dis que Allah prolonge ta vie dans son obéissance. Tu dois spécifier dans son obéissance. Parce que sinon, de prolonger la vie de quelqu'un, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être bon pour cette personne-là si sa vie est pas prolongée dans le bien, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un sahabi, il a été un gouverneur, oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Et qu'il ait la fitna. Puis la troisième chose, c'était pas qu'il ait la fitna. Oui. Ouais. Il courait avec les jeunes filles dans le marché, oui. Oui, c'est ça. C'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, il a parlé contre un. Il était, Sa'd ibn Abi Waqqas, il était un dirigeant dans une région, parmi les régions de l'État islamique à l'époque de Omar ibn Khattab, je crois. Et donc, il y a quelqu'un qui s'était plaint de lui, qui disait qu'il était injuste, ainsi de suite. Donc, Omar ibn Khattab l'a fait venir, je pense, et il lui a dit, n'est-ce pas que quelqu'un m'a dit que tu étais injuste, ou des choses de ce genre. Et donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a répondu, il a dit, cette personne-là qui a dit ça à mon sujet, alors il a fait le dua, que Allah te prolonge ta vie, et qu'il te fasse, qu'il te donne la fitna, et la troisième chose c'était quoi? Qu'il te rende aveugle? Ou quelque chose que, en tout cas, c'est un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari, un musulman, hein, et il est dans Al-Lu'lu al-Marjan. Je me souviens de l'avoir lu. Et donc, ce hadith-là, c'est pour dire que cet homme-là, par la suite, le doua de Sa'd ibn Abi Waqqas est tombé sur lui, et la personne a vécu très très vieux, il a vécu très longtemps, et puis il courait après les jeunes filles dans les marchés, malgré qu'il était vieux. Donc c'est pour dire, comment des fois, comment faire la doua pour la vie par rapport à la prolonger, c'est pas toujours un bien, faut faire attention là. C'est juste deux pages, donc on a fini le, là on a fini le chapitre 53, là on va faire le chapitre 54, ok. Al-Bab al-Rabi' wa wal-Khamsoun, Al-Bab al-Rabi' wal-Khamsoun, Bab la yaqulu عبدي وأمتي. وفي الصحيحين وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضي ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. d'accord. donc le cheikh dit, dans ce chapitre, c'est le chapitre 54, le titre de ce chapitre c'est de ne pas dire mon esclave ou mon esclave homme ou femme, hein, parce que en arabe il y a abdi, ça veut dire mon esclave pour un homme, puis amati, c'est mon esclave pour une femme. T'as pas le droit de dire ça. On va expliquer les détails à ce sujet-là. Le cheikh dit وفي الصحيح في رابورتيه بار البخاري ومسلم selon أبي هريرة رضي الله عنه qu'il a dit que personne d'entre vous ne dise nourris ton Seigneur ou bien amène l'eau pour ton Seigneur ou le wudu pour ton Seigneur, hein, mais plutôt de dire Seyyidi ou Mawlai, hein, mon maître ou bien c'est ça, mon Mawlai. Sayyidi, ça veut dire le maître. Hein. Donc, on ne doit pas utiliser le terme Seigneur. Hein. Même si, en arabe, le mot Seigneur, parfois, c'est utilisé, comme on va le voir, des fois, tu dis Rabbul Bayt, le Seigneur de la maison. Donc, on a parlé de ça déjà, mais là, ça, c'est plus spécifique par rapport à ce fait-là. Puis aussi, par exemple, dans le sens par rapport aux esclaves. Okay. Un esclave ne doit pas dire. Par exemple, tu ne dois pas dire à un esclave amène comme on dit amène la nourriture à ton seigneur. Tu peux dire à ton maître mais pas à ton seigneur. Et le chef il dit aussi, ne dis pas mon esclave à un homme ou à une femme. Pourquoi? Parce que on va expliquer tout à l'heure de toute façon pourquoi, mais à la place de dire mon esclave, tu dois dire mon garçon ou ma fille, hein. C'est ça que tu dois dire. Mon garçon ou ma fille. Donc, le cheikh, il dit, هذا الباب عقده المصنف رحمه الله كالباب الذي قبله من اجل احترام اسماء الله وصفاته ومن اجل سد الطرق التي تفضي الى الشرك وحماية جانب التوحيد. وذلك بتجنب الالفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من الشرك. ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله وهو المقصود. وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماء التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك وهذا منها. ومن ذلك لا يقول السيد والمالك لرقيقه عبدي وأمتي، لأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فليس هناك عبد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. فالعبودية والتعبيد خاص بالله سبحانه وتعالى، أما المخلوقون فليس بعضهم عبيدا للبعض. نعم، فالعباد أي نعم كلهم عباد الله مؤمنهم وكافرهم وهذه العبودية العامة أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون هذه عبودية خاصة بالمؤمنين وهي عبودية تقرب إلى الله تعالى وإنابة إليه وجزاؤها الجنة فالعبودية إذا خاصة لله نعم وقوله أمتي الأمى معناها أيضا العبدة فلا يقال هذه أمة فلان وإنما يقال هذه أمة الله وهذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية وهذا وجه عقد المصنف للترجمة الشيخ الذي que le cheikh qui a écrit le livre, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a mis ce chapitre ici, comme le chapitre qui l'a précédé, c'est pour montrer à quel point on doit respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs, et pour fermer toutes les portes qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk, et pour protéger les limites du tawhid, et les barrières du tawhid, et pour éviter justement qu'on prononce ou qu'on dise des termes qui pourraient impliquer ou être compris par les gens comme étant une forme de shirk. Lorsque quelqu'un, par exemple, parle, même s'il ne le pense pas, ou même s'il n'a pas l'intention de dire quelque chose qui est shirk ou qui est mauvais, mais ça peut impliquer quelque chose de shirk, donc le mieux c'est de ne pas utiliser ces termes-là, d'accord ? Pour fermer la porte, justement, à toute forme de shirk. Donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple, le terme que le shirk il mentionne dans ce chapitre, le fait de ne pas dire à quelqu'un « mon Seigneur » ou bien de ne pas appeler un esclave « mon esclave » parce que nous sommes tous des esclaves d'Allah seulement, d'accord ? Et aussi, par exemple, les chrétiens, quand ils disent « père », ils appellent Dieu le père. Et ça, c'est bien entendu, c'est interdit, parce que Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, et donc d'appeler Dieu le Père, ça implique qu'il a une épouse ou bien qu'il a des enfants, et ça implique des choses incorrectes, fausses par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si dans ton intention, ce serait juste de dire non, il aime les créatures comme un père aime son fils, comme certains chrétiens l'interprètent comme ça des fois. Même malgré ça, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que ça peut impliquer, ça implique une parole qui ou quelque chose qui peut amener des gens à tomber dans le shirk, d'accord? À cause de ça. Donc, non. Mais bon, le cheikh il dit ici, au mizalika la yaqul al-sayyid wal-malik wal-raqiq. Bon, on a expliqué dans le livre, dans les chapitres passés, beaucoup de choses qui ont rapport justement avec la protection des limites du tawhid. C'est-à-dire que même si quelque chose n'est pas shirk en lui-même, si ça peut amener des gens à tomber dans le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ça, c'est pour protéger les limites du tawhid. Donc, le cheikh il dit que c'est comme l'exemple de dire, par exemple, on n'a pas le droit de dire c'est-à-dire le maître ou le propriétaire d'un esclave, il n'a pas le droit de dire à son esclave « mon esclave » ou à son esclave « c'est ma femme ou homme, mon esclave ». D'accord ? Parce que on est tous des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 93 dans sourate Maryam que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre va venir devant Ar-Rahman en un esclave. C'est-à-dire, tout le monde va venir devant Allah au jugement dernier comme un esclave. C'est-à-dire, on va tous être des serviteurs et des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a personne excepté que c'est un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette forme d'esclavage, qu'on appelle al-ubudiyya, cette servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle est particulière à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le cheikh dit « Amma al-makhlouqoun, falaysa ba'duhum abidan lil-ba'd ». Donc, il dit les créatures, elles ne sont pas esclaves les unes des autres, car tous les esclaves sont des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et même les esclaves sont des esclaves d'Allah, qu'ils soient croyants ou non croyants. Tout le monde est esclave d'Allah. D'accord? Donc, quand tu dis les esclaves, en réalité, ça veut dire les êtres humains. D'accord? Les créatures, oui. Et après, il dit, donc ça c'est dans l'Ubudiyya qu'on appelle l'âme. Ubudiyya, ça vient de Abd. Ubudiyya, ça veut dire, disons, la servitude, le fait d'être serviteur d'Allah, ou d'être esclave d'Allah. Ça, cette chose-là, il y en a une qui est générale et une qui est particulière. Celle qui est générale, c'est parce qu'elle englobe toutes les créatures, que tu sois musulman ou non, tes serviteurs étaient soumis à Allah. Mais il y a une autre ubudiyya qui est plus particulière, c'est une ubudiyya qui est limitée pour les serviteurs qui se sont soumis volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça, c'est une forme de ubudiyya qui est particulière parce que c'est uniquement elle est uniquement pour ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont soumis volontairement. Donc c'est comme si tu dis, il y a la soumission à Allah qui est générale pour toutes les créatures, parce que tout ce qui existe dans l'univers, même les plus petits atomes de la création, il n'y en a pas une seule de ces atomes-là qui sort de la soumission à Allah, parce qu'ils sont tous créés et contrôlés par Allah. Et même les êtres humains qui sont pas musulmans, qui sont pas croyants, même s'ils pensent qu'ils sont libres ou qu'ils n'ont pas à se soumettre à Dieu, eux-mêmes ils sont soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Ils n'ont pas le choix de se soumettre à ces règles-là parce que ce sont des lois et des règles générales pour toute la création. Comme par exemple, le fait que Allah nous a créés et que notre corps est soumis à des règles et à des lois physiques, chimiques, biologiques ou autres, tout ça c'est des règles et des lois qui sont pour toutes les créatures, peu importe. Donc ça c'est le sens général. Et le sens particulier, c'est le fait qu'on est serviteur d'Allah parce qu'on s'est soumis volontairement à Allah, on a accepté la foi, comme Allah il le dit dans le verset 53 dans Sourate Az-Zumar, « Oh mes serviteurs qui ont dépassé la limite contre eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. » Ou bien l'autre verset qui dit, le verset dans Sourate Az-Zumar, le verset 18, « Fabashir ibad, annoncez la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui ont entendu la bonne parole et qui ont suivi le meilleur de ces significations. » Et également, Sourate Az-Zukhruf, le verset 68, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô mon serviteur, qui ont, ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Ô mes serviteurs, wa alaykum salam, il n'y a nulle crainte contre vous aujourd'hui, et, vous ne devez pas également, vous attrister. Donc, ça c'est des exemples de cette forme de soumission et de ubudiyya, de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est volontaire et qu'on a choisi nous-mêmes d'être des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala en soumettant notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'islam. Donc ça c'est la seule soumission et la seule servitude qui va être récompensée par Allah. Mais les kuffars, eux, qui sont soumis extérieurement dans les lois d'Allah mais qui n'ont pas soumis leur âme à la révélation d'Allah, ceux-là ne sont pas récompensés pour ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils font de leur propre gré, et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont voulu, c'est quelque chose qu'ils ont subi, parce qu'ils sont soumis, comme toutes les autres créatures, aux règles d'Allah. Comme les animaux, par exemple. Les animaux sont soumis aux règles d'Allah, ils n'ont pas de volonté d'eux-mêmes, ils ne font que suivre leurs instincts. Ils sont créés comme ça, pas comme nous les êtres humains. Donc, j'ai dit, donc cette soumission là des croyants à Allah, c'est ça qui les rapproche d'Allah, et c'est comme par exemple le fait qu'ils se repentent et qu'ils reviennent repentants à Allah, et la récompense de cette soumission là et de cette ubudiyya, c'est qu'ils vont être au paradis, et ça c'est bien entendu une ubudiyya qui est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit, on n'a pas le droit de dire non plus amati, c'est le féminin pour abdi. Ça veut dire, c'est comme une esclave femme. Amati ou Ama, c'est une esclave femme. Et on n'a pas le droit d'appeler une femme esclave Ama, parce que les femmes sont toutes des Amatullah, sont toutes des esclaves d'Allah. Donc on n'a pas le droit de les appeler de cette façon-là. Et ça, c'est dans le but de faire preuve de bonne manière envers le tawhid et pour protéger les limites de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la yani de respect envers le tawhid. C'est pour ça que le cheikh il a mentionné ce chapitre là dans son livre. Après le cheikh il dit wa fi sahih yani fi sahihain fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yaqul ahadukum hadha nahyun لا يقول أحدكم هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أطعم ربك أي ناوله الطعام ووضي ربك أي ائته بالوضوء أو أعنه على الوضوء اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه هو فتايا وفتاتي وغلامي لأن هذه الألفاظ لا محذور فيها فتكون بدائل للألفاظ المحظورة. Donc le cheikh il dit, donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que quelqu'un ne doit pas dire, et ça c'est la preuve que c'est une interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas dire nous donne la nourriture à ton maître, à ton seigneur, à Rabbak, à ta'im Rabbak, ou bien donne l'eau pour faire le voudou à ton seigneur. Mais tu dois plutôt dire Sayyidi ou Mawlaya, ton maître ou ton propriétaire, hein, c'est ça. Pas à ton Sayyidi ou Mawlaya. Sayyidi, ça veut dire mon maître, et Mawlaya, ça veut dire maître. Et qu'est-ce qui est drôle avec ce mot-là, Mawla, c'est que ça peut vouloir dire le maître et ça peut vouloir dire l'esclave en même temps. On utilise le maître pour le maître. Sayyidi ou Mawlaï. Sayyidi c'est mon maître et Mawlaï c'est mon maître aussi. Donc c'est deux synonymes en français, en arabe aussi. Mawlaï. Ok? Oui, Mawlaï. Mawlaï. Mawlaï ça veut dire mon. Hein, Sayyidi, parce qu'en réalité c'est Sayyid et Mawla. Mais quand tu dis mon maître, c'est des Sayyidi. Et bon, là, le ya, c'est, il faut dire, c'est le mien. D'accord? Donc, le cheikh, il explique que, donc, on ne doit pas dire, on ne doit pas dire Rab, mais on doit dire Sayyidi et Mawlaya. Et quand on parle, quand un maître d'esclave s'adresse à son esclave, il ne doit pas dire, ou quand il parle de son esclave, il ne doit pas dire mon esclave ou mon esclave femelle, ou plutôt mon esclave femme ou mon esclave homme, il doit dire mon garçon ou ma fille. Hein? Mon esclave, il doit dire yani, mon garçon ou ma fille. Roulam, ça veut dire un petit garçon, et Fatati, c'est ma fille, une petite fille. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, enfin, c'est ça. Tu vas pas dire à ton enfant, Roulami, ou bien Fatati. Tu vas pas dire ça. Ouais. C'est pour ça que là, on est en train de traduire des termes arabes en français, donc ça peut peut-être créer un peu de confusion. Mais il faut retourner aux termes arabes pour bien comprendre de quoi on est en train de parler là, maintenant. C'est juste pour essayer de vous faire comprendre en réalité comment le prophète sallam a interdit d'utiliser des termes qui impliquent que quelqu'un serait serviteur d'autre que Allah. D'accord? Dans ce sens-là. Donc le cheikh il résume le chapitre en 5 points. Le premier point, fihi ma tarjama al-musannifu min ajlihi, fihi ma tarjama al-musannifu min ajlihi, wa huwa adam jawaz قول عبدي وأمتي لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث لا يقول عبدي وأماتي. Donc, يعني le titre que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis pour ce chapitre-là, c'est pour expliquer يعني, que ce n'est pas permis de dire mon esclave, homme ou femme. Et comme c'est mentionné dans le hadith. Le deuxième point, المسألة الثانية, فيه أن لفظ الرب لا يطلق إلا على الله. لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية وعلى الذي له الربوبية على عباده. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقل أعوذ برب الناس. وهكذا لم يرد إطلاق اللفظ الرب في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى فلا يجوز استعماله لغيره. أها. وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الملكية والرق ولكن من باب سد الذرائع كما سبق إما أما إذا قيل لفظ الرب فإنه يجوز إطلاقه على المخلوق مثل رب الدار وكقوله تعالى اذكرني عند ربك. الشيخ يقول que deuxième point, on n'a pas le droit d'utiliser le terme arabe, le Seigneur, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui est arabe, celui qui possède la souveraineté, ar-rububiyya, sur ses serviteurs. Et Allah, il dit, adorez votre Rab, hein, Rabbukum, Rabbakum, u'budu Rabbakum, adorez votre Rab. Celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Et il mentionne un autre verset aussi qui dit قل أعوذ برب الناس, dit je cherche refuge en le Seigneur des hommes. Donc ça c'est yani, c'est pour montrer que le terme Ar-Rab, le Seigneur, dans le Coran est uniquement utilisé pour désigner Allah seulement. Et on n'a pas le droit de l'utiliser pour désigner quiconque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne qui le dit ne pense pas ou n'a pas l'intention de dire cette signification-là quand elle le dit et qu'elle pense uniquement à la propriété ou le fait d'être propriétaire de l'esclave, même malgré ça, t'as pas le droit de l'utiliser. Il va le donner l'exemple, justement. Le cheikh, il dit, ah oui, il dit, mais pour fermer la porte à tout dépassement puis à toute idée que les gens pourraient avoir qui tomberaient dans le shirk, Allah a interdit d'utiliser le terme arab. Mais on a le droit, par exemple, de le dire dans le cas où on ne le dit pas de la façon absolue, comme quand on le relie à quelque chose, comme Rabbu Addar. Rabboudar, c'est-à-dire le seigneur de la maison, le maître de la maison, ça dans ce cas-là c'est permis parce que tu l'as relié à quelque chose en particulier. Mais de dire Rab d'une façon absolue comme ça, le seigneur, ou bien de dire Rabboul Alamin, le seigneur des mondes, ou des choses comme ça, ça c'est pas permis parce que là ça veut, c'est uniquement Allah qui possède ce nom-là. Et oui, c'est ça. Ces termes-là, ça induit beaucoup de gens en erreur. Puis même ici, même en France, ici, les gens disaient mon Seigneur au prêtre ou c'est ça, ils appellent ça mon Seigneur. Quand ils parlent de même l'archevêque de Montréal, ils disent mon Seigneur Turcotte. Hein, alors, donc c'est pour dire ils l'appellent mon Seigneur. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Arab. Oui, ben c'est ça, le Cheikh il mentionne ça justement. Il dit qu'à qawlihi fi qu'à qawlihi ta'ala uzkurni inda rabbik. Comme par exemple quand il a dit Youssef a dit rappelle mentionne-moi auprès de ton maître ou de ton seigneur, oui. C'est-à-dire à l'époque quand il était en prison et qu'il voulait, il a expliqué à un prisonnier qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve. Alors après, quand il est sorti, il a dit, mentionne-moi auprès de ton maître, de ton seigneur. Et donc, il dit que dans des cas comme ça, ça s'est permis, comme Rabboudar. Pourquoi? Parce qu'il était, c'était lui qui était à l'époque, celui-là, le seigneur de la région. Donc, dans ce cas-là, oui. Mais tu le dis pas de façon absolue, tu le dis d'une manière qui est limitée. Hein. Et on va voir après, il y a un petit commentaire là-dessus, justement, dans les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen. Après, le Cheikh dit, « المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة وهي سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور كل ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الأصوليين قاعدة سد الذرائع وقد تكلم عليها بإسهام الإمام ابن القيم في كتابيه إعلام الموقعين وإغاثة الأحسان وذكر لها 99 مثالا. الشيخ الزي Cheikh, il dit comme troisième point qu'il y a également dans ce hadith une preuve pour un des principes de la charia qui est bien connu, qu'on nomme Sadd al-Zara'i'. Et Sadd al-Zara'i', ça veut dire de fermer les portes à ce qui peut t'amener à tomber dans un péché. C'est-à-dire, même si quelque chose en lui-même est halal, si de le faire peut t'amener à tomber dans quelque chose de haram, il devient haram. En lui-même, même si à la base il était halal. D'accord? Donc ça c'est un principe de la charia qu'on appelle Sadd al-Zara'i'. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont en elles-mêmes, elles ne sont pas haram. Mais elles peuvent t'amener à tomber dans quelque chose de haram. Ouais. Par exemple, tu t'assois dans une table, puis tu dis, moi je bois pas. Sauf que l'alcool est servi sur cette table, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Pour fermer la porte au péché, tu vois. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit pas seulement, ne fais pas le zina. Il te dit, tout ce qui peut t'amener au zina, reste loin. C'est pas juste pour empêcher l'acte lui-même, mais tout ce qui peut t'amener à l'acte. Donc ça c'est le principe qu'on appelle Sadd al-Zara'i'. Et le Cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné dans deux de ses livres 99 preuves de ce principe-là. 99 références pour ce principe-là de Sadd al-Zara'i'. Dans I'lam al-Muwaqqi'in et dans Ighathat al-Ahsan. Après le Cheikh il dit comme quatrième point, al-Mas'ala al-Rabi'a. في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء له بديل صالح فإنه يأتي بالبديل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وهذا البديل الصالح الذي لا محظور فيه فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يأتي بالبديل الذي لا محذور فيه ما أمكن ذلك وسبق له لها نظائر وتكرر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة. Donc le Cheikh il dit que ça c'est une autre, encore une fois une preuve que lorsqu'il y a une alternative permis ou qui est licite pour quelque chose de haram, et bien dans ce cas-là tu ramènes l'alternative qui est licite à la chose qui est interdite. Comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de taire mon esclave, homme ou femme, abdi et amati, il a dit à la place, vous pouvez dire fatat, fataya, wa fatati, wa ghulami. Et donc ça c'est pour donner l'exemple de quelque chose qui est permis et qui est licite. Et ça vient prendre la place de ce qui a été interdit. Et donc c'est une alternative à ce qui est interdit. Si y a une alternative, on le mentionne. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein? Et on a mentionné ça déjà dans les chapitres précédents. المسألة الخامسة في الحديث دليل على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق لأنهما يحتملان معنى لا محذور فيها فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به لأن السيد يراد به الرئيس والمالك يراد يقال له سيد والزوج يقال له سيد والمولى يراد به المعتق المعتق ويراد به المناصر ويراد به المحبوب ويراد به المالك وكل هذا يقال مولى. Donc le cheikh dit comme cinquième point dans le hadith, ça va? Ah ok, d'accord, inshallah. De toute façon on a fini là. Alaykoum salam. Donc le cheikh dit cinquième point dans le hadith, il y a la preuve qu'on peut dire Sayyidi et Moulaï, c'est-à-dire mon maître, au lieu de dire mon Seigneur. Et ça c'est pour une créature, et ça implique, ces deux termes-là n'impliquent rien d'interdit, rien de mauvais en soi. فإذا كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس. Si le mot en lui-même ou le terme en lui-même n'implique rien d'interdit, parce que là, il n'y a pas de mal de l'utiliser, mais pourquoi? Parce que le Sayyid, c'est le chef ou le responsable, le Raïs. Et on dit aussi Sayyid à un propriétaire, aussi on dit Sayyid à l'homme ou au mari, on l'appelle Sayyid. Et le chef dit que le terme Mawla, on l'utilise pour un esclave lorsqu'il est libéré, on l'appelle Mawla, et aussi ça peut vouloir dire aussi celui qui te supporte ou qui t'aide, et ça peut aussi vouloir dire celui que tu aimes, quelqu'un que tu aimes, et ça peut aussi vouloir dire le propriétaire de l'esclave. Donc, ouais, Mawla, ça peut vouloir dire l'esclave libéré ou le maître. Donc tout ça c'est des significations pour ces termes-là. Donc ça c'est la fin donc de ce chapitre. On a clarifié aujourd'hui, on a fini la lecture à ce sujet-là. Demain on aura la suite inchallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.